barre des sciences, chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bienvenue au Mardi de l'espace, organisé par le CNES avec l'association Barre des sciences. Alors nous sommes mardi, nous sommes en mars. Il était légitime qu'on s'intéresse ce soir à la guerre, alors plus exactement à la défense. Une soirée consacrée aux enjeux militaires de l'espace autour de l'observation, l'écoute et la télécommunication. Alors aujourd'hui, on sait que pas un seul avion militaire ne décolle sans un point météo. Les troupes ne se promènent pas sans un GPS. Ces quelques exemples tout simples nous montrent que l'espace est utilisé aujourd'hui sans même qu'on y pense et finalement sans même parler d'une immense technicité puisque ces applications sont devenues aujourd'hui autant civiles que militaires. Mais au-delà de ces quelques applications, l'espace offre à nos armées un soutien dans plusieurs grands domaines. Il y a l'observation avec des satellites optiques qui donnent des images de plus en plus précises des théâtres d'observation. Mais on a aussi des satellites radars qui permettent de percer la couche nuageuse et de voir au travers des nuages. L'espace, c'est aussi un moyen d'assurer la communication entre nos troupes, avec nos troupes, sur des distances considérables et ce, même lors de tentatives de brouillage, par exemple, en mode dégradé. L'espace est aussi le moyen d'écouter l'ennemi, une écoute qui va au-delà des paroles, puisque c'est tout le spectre électromagnétique qu'on est capable aujourd'hui également d'intercepter. Donc on le voit, les satellites, par les multiples informations qu'ils fournissent, agissent un peu auprès de nos armées, finalement, comme des catalyseurs de force. Sur le terrain, il n'y a pas plus de personnel, il n'y a pas plus de matériel, mais il est mieux renseigné et mieux dirigé. Les satellites aujourd'hui permettent de planifier, conduire et évaluer des missions fort éloignées de la métropole, comme on peut le voir en ce moment avec l'opération Barkhane, dans la zone sahélo-saharienne. Alors la maîtrise de l'espace et de son accès, grâce au lanceur Ariane, est indispensable pour maintenir la supériorité de nos armées, on l'a déjà compris. Il faut prendre garde aussi qu'ils ne deviennent pas un talon d'Achille. La multiplication des débris en orbite constitue une réelle menace, et finalement assez indéterminée, mais bien réelle, contre les satellites qui peuvent être endommagés, voire carrément détruits par des collisions. Et puis il ne faut pas oublier non plus que, quelle que soit la qualité des informations données par nos satellites, sans des infrastructures au sol pour recevoir ces informations et les traiter, eh bien ces satellites ne servent à rien. Donc l'espace ne dispense pas de regarder au sol et de préserver ces installations. Donc voilà, au travers de ces exemples, un petit peu l'ensemble des aspects que l'on va aborder ce soir avec deux intervenants, même si pour l'instant ça ne saute pas aux yeux, mais ils seront deux. Donc nous accueillons d'abord le général Henri de Roquefeuille. Alors mon général, vous êtes officier de l'air, breveté pilote de chasse. Alors vous avez exercé un certain nombre de commandements au cours de votre carrière. Et vous avez quitté le service actif en 2009. Et vous êtes au Centre National d'Études Spatiales, au CNES, comme conseiller militaire du président et coordinateur de l'équipe défense. Et nous attendons le général Breton, qui est retardé pour l'instant dans une réunion au ministère, mais qui arrive, qui nous tient informés, qui est également officier de l'air, breveté pilote de chasse, et qui commande depuis 2017 le commandement interarmé de l'espace. J'ai quelque chose à dire qui est un peu en décalage, donc je préfère le dire tout de suite, hein, pour qu'ensuite la soirée se passe bien. Parce qu'évidemment, ça m'aurait bien plu d'en rire, j'aurais pu vous faire sourire, écrire des blagues et les dire, puis remplir ma tirelire. Mais il se trouve que j'ai appris qu'avec cette technologie, on m'observe tous les mardis. De l'espace, on m'observe, oui. paraît même que Florence Parly fait astiquer ses fusils. Et si je dis une connerie, pan de moi, c'en est fini. Alors, messieurs, mesdames, non, j'ai décidé, j'arrête de chanter. Et ce soir, je ne jouerai que du piano. J'ai trop peur de risquer ma peau. Pour une blague, pour un bon mot. Même si j'en trouve des rigolos. Même s'il est vrai qu'en général, chanter devant un général est une chose des moins banales. Et rire de la guerre ne fait pas de mal. Bon, ben finalement, je crois que je vais garder mon stylo. Finalement, heureusement que j'étais tout seul, parce que je sais pas comment vous auriez pu faire les rimes si on avait été deux généraux. Donc ça aurait été plus compliqué. Hein. Ouais. Je suis allé dans la faute orthographique, et puis moi, je m'en sortais pas trop. Donc ça aurait pas été très banal, ça aurait pas fait terrible. Hein. Bon. Bon, bah écoutez, bonsoir à tous. Je suis désolé que mon compère, le général Breton, soit pas là, mais bon, comme disait notre animateur, il va arriver tout à l'heure. Je vais en profiter justement pour faire ce petit balayage des activités de l'espace au profit de la Défense. Alors, il faut partir du principe que la Défense n'a pas besoin de satellites. La Défense, elle a besoin des services apporté éventuellement par des satellites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la Défense peut avoir ses services à travers des satellites qui sont des satellites civils ou des satellites du haut, ça veut dire qu'ils soient à la fois civils et militaires, ça fera le même effet. Un des exemples, c'est la météo, par exemple. Il y a, la, comme disait l'animateur, on a besoin de météo. Mais il n'y a pas que les avions qui ont besoin de météo. Toutes les troupes ont besoin de météo. Mais les avions civils aussi ont besoin de météo. Donc c'est vraiment la dualité. Donc comment ça se passe ? Les militaires ont des spécialistes météo qui exploitent les données des satellites de l'ensemble de la constellation qui travaille pour les civils et pour les militaires. Parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle des protections météo, donc des prévisions, sur des endroits où il n'y a pas beaucoup de tourisme. Quand vous êtes au milieu de la bande sahélo-saharienne, il faut avoir une protection météo et personne n'en a besoin à part eux. Quand vous êtes au fin fond de l'Afghanistan, c'est la même chose. Donc c'est une des approches, c'est ce service apporté par des satellites civils au profit d'un service qui est spécifiquement pour les militaires. C'est vrai également pour le positionnement. Bon, vous savez que depuis maintenant presque un an et demi, la constellation Galileo est opérationnelle. Galileo, c'est un service qui est parfaitement, complètement civil. Ça avait été fait par la Commission européenne au profit des citoyens. Mais les militaires ont besoin de ce service. Donc ce qu'ils apportent, c'est une protection particulière pour l'intégrité de ce service. Donc ils utilisent le signal, ils le protègent, ils assurent sa sécurité, mais ce ne sont pas leurs constellations. On peut faire la même chose pour la géographie. La géographie, ça peut être fait soit quand il y a une grande urgence par des satellites d'observation, on y reviendra un peu tout à l'heure, mais ça peut être fait également par des satellites qui font des satellites d'observation de la Terre au profit des civils. La seule chose, c'est pareil. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans la salle qui aient été demandé à l'IGN une carte du milieu de l'Afghanistan ou une carte du Mali, par exemple. Et pourtant, quand les troupes françaises sont allées intervenir au Mali, il a fallu, en prévision des opérations, qu'elles récupèrent des données géographiques à jour, parce que les données géographiques qui existaient, elles avaient plusieurs dizaines d'années. Et on ne peut pas envoyer des troupes avec des données de cette manière-là. Voilà. Donc ça, ce sont des services militaires tirés des satellites civils. Alors, pourquoi est-ce que de temps en temps, est-ce qu'il y a besoin de satellites purement militaires ? Par exemple, pour l'observation optique en particulier, la première chose, ce sont les performances. Parce que les militaires ont besoin de performances qui vont au-delà de ce que l'État français ou les États en général laissent construire par les industriels au profit des utilisateurs commerciaux. Parce que ça peut attenter à la sécurité des pays. Et donc, il y a besoin de ces performances. D'où des satellites comme ceux que vous avez dans les planches, le satellite Helios, le satellite CSO qui va être lancé à partir de la fin de l'année, sur lesquels il y a des très grandes performances. Le deuxième élément qui nécessite d'un satellite militaire, c'est l'autonomie dans la programmation. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir des images, mais pas avoir des images au bout d'une semaine, au bout de trois semaines, quand on a passé une commande à un opérateur comme Spotimage, Airbus Defence and Space Information Service maintenant, mais on en a besoin rapidement. Et ensuite, il faut être certain également de l'intégrité de l'image. Ça veut dire qu'il faut être capable de suivre le cheminement de la demande de l'image depuis l'émission vers le satellite, la prise d'image et la descente sans que personne n'ait été trafiqué, entre guillemets, l'image qui redescend. Il faut se souvenir que si la France n'est pas intervenue dans la deuxième guerre d'Irak en 2003, c'est parce que nous bénéficions à ce moment-là du satellite Helios qui nous avait prouvé que les images présentées par les Américains pour nous convaincre qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak étaient des images bidonnées. Et donc on était capable de voir grâce à nos propres images dont on avait la maîtrise, on savait qu'il n'y avait pas, là où on nous le montrait, des armes de destruction massive. Donc vous voyez, c'est ce besoin de satellites militaires, il est appuyé sur la performance, l'autonomie de programmation et l'autonomie, la garantie de l'intégrité de l'information qui descend. Alors, en ce moment, donc on a, je vous parlais, le satellite Helios, mais ces satellites militaires, purement militaires, ne peuvent être soutenus par des satellites du haut. Ça veut dire des satellites qui fournissent des images à la fois pour les civils et pour les militaires. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ces images des satellites du haut n'ont pas les mêmes performances. Hein, c'est le satellite Pléiade. Ça n'a pas les mêmes performances. En revanche, il y a des cas où l'information qu'on va retirer de l'image ne nécessite pas une très grande précision, ce qu'on appelle une résolution. La taille du pixel, on n'est pas obligé d'avoir une résolution très très fine. Mais en revanche, il faut qu'on ait la garantie, et c'est pour ça que c'est un opérateur français qui traite ces images. On a la garantie de l'intégrité de l'information qui descend. Et les militaires sur le satellite Pléiade ont une petite partie de la programmation tous les jours. Une constellation Pléiade, ce sont deux satellites et ça peut fournir à peu près 900 images par jour. La défense bénéficie de 50 images. Vous me direz, 50 images, ce n'est pas grand-chose. La seule chose, c'est qu'ils ont les 50 premières programmations. Ça veut dire que si jamais ils ont 50 images, ils demandent 50 images, ils sont sûrs de les avoir dans la journée. Alors que si vous en avez 100, mais que vous n'êtes pas dans les premières programmations, ce n'est pas vous qui les aurez. Parce que tout le monde veut aller voir au même endroit. En particulier dans des théâtres en ce moment, comme l'Irak, comme la Syrie, comme la bande sahélo-saharienne, tout le monde veut y aller. Et donc, quand on a des partenariats, bah, c'est important de pouvoir avoir des informations et d'avoir les images, la priorité dans la programmation. Vous en parliez tout à l'heure, il y a également les images radar. Les images radar, l'avantage, effectivement, c'est que ça fournit des images, y compris quand il fait pas beau. Mais c'est moins précis, c'est plus compliqué à lire, on prend moins d'images, parce que la charge utile radar, elle est ce qu'on appelle active. Ça veut dire qu'il faut, de l'énergie qui part du satellite et qui est récupérée par le satellite, et donc c'est cette émission retour. Donc pour émettre de l'énergie et récupérer une information en retour, vous avez besoin d'énergie. Alors que quand vous prenez de l'optique, c'est simplement, vous ouvrez les yeux, quoi. Vous ouvrez les détecteurs et vous récupérez de l'information. Donc vous voyez, il y a des avantages de part et d'autre. Donc ce qui est important là-dedans, c'est qu'on a une bonne complémentarité. Alors vous savez que la France n'a pas de satellite radar, mais elle a des accords de coopération avec les Allemands et avec les Italiens qui ont, eux, des constellations radar. Et on leur fournit des images optiques et eux, ils nous fournissent des images radar. Et donc, ça permet d'avoir des informations dans tout ce spectre, dans l'observation optique et radar. Donc, on attend à la fin de l'année un pas sur les capacités de prise de vue, sur la résolution, sur des images qui seront en couleur pour CSO. Donc ça va vraiment être une révolution pour les militaires, en particulier la direction du renseignement militaire. On va juste aborder un point, c'est le point de l'exploitation. On va arriver maintenant à une accumulation d'images qui va être très difficile à traiter. Donc on passe dans une gestion de plus en plus automatique. Et c'est là où aussi il y a des efforts qui sont portés, non seulement sur le satellite en lui-même, mais également sur les traitements automatiques qui vont soulager les interprétateurs photos qui sont devant leurs écrans et qui n'auront pas le temps de voir passer tous les jours les milliers d'images qui font 60 km sur 60 km. Ce n'est pas possible d'aller chercher le camion caché derrière le buisson sur des images comme ça. Donc il faut avoir du traitement automatique pour soulager. La compétence humaine restera, mais il faudra les soulager. Vous avez le droit de vous soulager un petit peu aussi. Merci Hélios de nous avoir prouvé que les images de bouche étaient bidonnées. On sait que c'est grâce à toi que Chirac ne nous a pas emmenés en Irak. Bravo, merci. On va passer dans le deuxième domaine, qui est le domaine du renseignement d'origine électromagnétique. C'est un domaine qui est primordial, de plus en plus important, parce que toutes les opérations sont basées avec des systèmes d'armes qui exploitent ou qui exploitent soit les systèmes, soit les failles des systèmes, en fonction du côté dans lequel on se place. Et donc, il est indispensable de connaître les caractéristiques des systèmes d'armes adverses, potentiellement adverses. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec... Aujourd'hui, on a un système d'expérimentateur qui s'appelle ELISA. Le principe, c'est que vous avez quatre satellites qui tournent en permanence au-dessus de la Terre. Donc, vous récupérez des informations sur les émissions électromagnétiques partout dans le monde. Ça vous permet de les analyser. Et quand vous les analysez, vous savez comment construire les contre-mesures pour les brouiller. Ça vous permet également de pouvoir les localiser. Ça veut dire qu'on est capable de savoir déjà à partir de l'information initiale, puis ensuite vous allez faire passer un satellite d'optique au-dessus du point sur lequel vous suspectez une émission, et donc vous arrivez à faire une corrélation entre ce que vous voyez au sol et l'émission électromagnétique. Et donc, ça permet de bâtir ce qu'on appelle l'ordre de bataille électromagnétique. Ça veut dire on sait où sont des radars, des émetteurs. Et puis ensuite, si jamais il y a des opérations qui sont planifiées, eh bien, soit on planifie de les brouiller, de les détruire ou de les contourner. Mais pour faire ces opérations-là, il faut avoir la connaissance de ces éléments-là. Alors, à partir de l'année prochaine, il y aura un système opérationnel qui aura cet avantage de pouvoir, en permanence, partout dans le monde. Parce que c'est ça qui est intéressant pour la défense, c'est pouvoir le faire partout dans le monde. On peut récupérer des informations électromagnétiques comme des images du côté de la frontière ou du côté des alliés, mais personne ne va aller prendre des informations avec un avion pour aller prendre des images au-dessus de la Chine, par exemple, ou au-dessus de la Corée du Nord. Donc il faut avoir des informations, et ça, c'est l'avantage du satellite. Autre aspect, ce sont les satellites de communication. De plus en plus, les forces ont besoin d'être reliées avec la métropole, les autorités militaires ou les autorités gouvernementales. La dimension réglementaire, légale de toutes les interventions est de plus en plus importante. Ça veut dire qu'il y a un contrôle permanent des opérations qui sont réalisées par les forces françaises. Et pour ça, eh bien, il faut que les forces françaises, où qu'elles se trouvent, soient reliées en permanence avec la métropole. La première chose que l'on déploie quand on se met sur un théâtre d'opération, c'est une antenne satellite. Parce que les gens ont besoin d'avoir des communications téléphoniques, des communications données, des communications Internet, des visioconférences. Et plus ça va, plus ça augmente. Comparer ce que vous aviez comme ordinateur il y a 15 ans et celui que vous avez aujourd'hui. Ce besoin en débit, ce besoin en capacité, il est le même pour les civils et pour les militaires. Alors, en ce moment, il y a deux satellites qui s'appellent Syracuse 3, qui sont des satellites qui sont très protégés, très anti-brouillés et qui servent donc pour les forces. Mais on a vu que pour suivre ce besoin que l'on constate, eh bien, les capacités des deux satellites Syracuse 3 étaient insuffisantes. Donc, eh bien, il y a deux moyens qui permettent de combler ce manque. D'abord, un moyen qui est un moyen dual. Ça veut dire qu'il fait à la fois défense et sécurité. C'est le satellite Athena Fidus qu'on a fait avec les Italiens et qui sert à la fois donc, pour la défense et puis pour les moyens de sécurité en France ou en Europe. Et puis, il y a également des moyens qui sont des moyens loués. Parce que il y a toutes les transmissions qui partent du théâtre d'opération vers la métropole. Tout n'a pas un degré de confidentialité tel qu'on soit obligé de passer par un système très anti-brouillé ou très protégé. Donc, vous voyez, c'est ce principe-là. Donc, une antenne sur le théâtre d'opération, le satellite qui est en orbite géostationnaire, et ça redescend ensuite sur la métropole et ça assure le lien. Et ce satellite Syracuse 3, il va y avoir un successeur qui va s'appeler Syracuse 4, qui est l'originalité, à partir de 2020. Parce qu'il faut plus de capacité, parce qu'il faut être toujours plus anti-brouillé. Autre dimension, l'alerte avancée. Alors l'alerte avancée, c'est quoi ? C'est être capable de détecter le lancement d'un missile balistique provenant d'un adversaire. Pour pouvoir se protéger, pour pouvoir avertir les populations, pour pouvoir éventuellement déclencher la riposte éventuellement nucléaire, il faut savoir que le satellite est parti et il faut savoir qui l'a lancé. Alors, quel est le principe ? Il faut se placer au-dessus d'un pays qu'on suspecte. Si vous voulez, par exemple, en ce moment, on ne se met pas au-dessus de Monaco pour savoir s'il va nous lancer voilà, le général Breton. Je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'il essaye de tout faire en ce moment. Je termine, je suis en train de parler de vos missions. Bon, on place le satellite d'alerte avancée au-dessus d'un pays qu'on suspecte. Je vous disais pas Monaco. Et là, on fait un balayage au-dessus de ce pays. Et dès qu'on a un point très chaud que l'on détecte, eh ben ça veut dire qu'il y a un missile qui part. Donc on commence à faire les premières détections, le début de la trajectoire. Et puis ensuite, il y a d'autres moyens qui viennent derrière, des radars de surveillance d'abord, des radars de poursuite ensuite, pour pouvoir faire détruire ce missile par des missiles, anti-missiles, donc des alliés. Alors, pour l'instant, on n'a pas ces moyens-là, mais on est en train de réfléchir à cet aspect de la question. Je voudrais juste dire qu'on a un système expérimental qui s'appelle Spiral, qui est capable de regarder, mais on n'a pas de système opérationnel qui est capable de le faire dans la durée avec le système d'exploitation qui va derrière. Voilà. Est-ce que je vous laisse continuer, reprendre? Peut-être, en général, vous allez peut-être vous présenter. Maintenant que alors, vous avez... je suis absolument désolé de mon retard, veuillez m'en excuser. J'étais au cabinet de la ministre. Donc je suis le général Jean-Pascal Breton. Je commande le commandement interarmé de l'espace depuis un peu plus de 6 mois. Ce commandement interarmé de l'espace est sous les ordres du chef d'état-major des armées dans une branche opération parce que la vocation de ce commandement est d'organiser, de contrôler tout ce que je qualifie d'opération spatiale militaire. Il a vocation à traiter aussi du besoin de la coopération avec l'ensemble des nations spatiales militaires, de traiter de politique spatiale militaire et de regarder dans quelle mesure on se coordonne avec un certain nombre de pays partenaires pour faire ces opérations spatiales. Et justement, comment se passe cette collaboration entre pays, puisqu'il y a forcément quand même quelques barrières? Grâce au général de Roquefeuille, on sait qu'effectivement, on s'échange des photos, on s'échange des données. Dans quelles limites? Alors, le domaine du spatial est un domaine qui est dual à deux titres. Il y a le dual civilo-militaire, dans lequel il y a un travail permanent et une interpénétration permanente entre le militaire et le civil. Par exemple, je vous donne un exemple. Parmi les satellites que nous mettons en œuvre, nous, au niveau de la défense, il y a le système Pléiade, qui est un système dual, qui est exploité par le CNES et qui nous permet d'avoir des images à notre profit. Mais une partie des images sont valorisées par Airbus. Voilà. Donc, mais il y a aussi le domaine de la coopération et c'est un domaine excessivement ouvert. Alors. Dans le domaine de la coopération, il faut savoir que les militaires possèdent une dizaine de satellites dits souverains et échangent un certain nombre d'informations ou de prestations entre pays. Typiquement, la France, il y a eu ce qu'on appelle un partage dit de Schwerin qui a établi que la France développerait les satellites à vocation optique et que l'Italie et l'Allemagne développeraient les satellites à vocation radar. Donc nous échangeons des informations radar avec nos informations optiques, avec l'Allemagne et avec l'Italie. D'accord. Les satellites allemands sont Sarlupe et du côté italien Cosmos SkyMed. Mais nous le faisons aussi avec d'autres types d'images, pas que de l'image. On le fait avec la communication, puisqu'on partage des voies de communication entre les Italiens et nous. Après, dans le domaine de la coopération, c'est beaucoup plus large parce qu'on coopère activement avec les Américains, avec tous les pays anglo-saxons, dans un certain nombre de domaines. Nous avons aussi un dialogue spatial que nous faisons en lien étroit avec le CNES, avec un certain nombre de pays. Je ne vais pas tous les citer, mais on est très très ouvert à la coopération. s'appelait Elisa, hein, les systèmes pour... Parce qu'Elisa, c'est aussi une chanson de Gainsbourg. Elisa, Elisa, Elisa, montre-nous les poux. Elisa, Elisa, Elisa, de tous et partout, enfonce bien tes yeux et tes radars subtils dans les ruelles et les trottoirs des villes. Elisa, Elisa, Elisa, la Corée du Nord. Elisa, Elisa, Elisa, d'où personne ne sort, nous fait tous un peu peur. Alors on compte sur toi pour nous dire s'ils sont méchants ou pas, Elisa. Merci. On a évoqué l'autonomie stratégique, mais il y a une autre autonomie qui est aussi importante, qu'on va juste aborder, c'est l'autonomie industrielle. Et c'est ce qui explique un peu la raison pour laquelle on travaille très, très proche avec les armées et également la Direction Générale de l'Armement, parce que sur la triplette, il manque la Direction Générale de l'Armement. Il faut être capable non seulement d'utiliser, d'exploiter les images, mais également il faut être capable de disposer des moyens en toute autonomie. Et c'est pour ça qu'en France, nous avons une industrie spatiale très pointue, la première en Europe. Que ça soit dans le domaine des satellites ou dans le domaine des lanceurs, c'est un des axes de notre autonomie. Et nous veillons dessus au CNES parce que nous sommes garants, et pas seulement pour la défense, mais également pour les intérêts de la France, nous sommes garants de la pérennité et de maintenir au plus haut niveau les capacités de cette industrie. Et comment fait-on ? Eh bien, on regarde avec la Direction Générale de l'Armement, avec l'État-major des armées, le commandement en terre armée de l'espace, on regarde quels sont les moyens dont il faudra disposer, quelles sont les technologies qu'il faut développer pour pouvoir mettre au point ces moyens. Et donc, on va financer auprès des industriels les programmes de recherche et technologie qui nous permettront d'avoir les technologies disponibles au moment où on aura à créer les satellites des générations N+1, N+2. Bon, je pense que vous avez déjà tout dit sur l'autonomie industrielle. Je reviendrai certainement après sur l'autonomie stratégique. Je pense que le général de Roquefeuille a eu l'occasion de vous décrire ce que je qualifie moi d'appui du spatial aux opérations, c'est-à-dire l'ensemble des moyens que les armées mettent en œuvre pour appuyer en observation, en écoute, en communication. Il y a d'autres pans entiers qui tombent dans l'escarcelle des opérations que je qualifie de spatiales. Il y a un pan qui n'a pas été abordé aussi jusqu'à maintenant, c'est le soutien aux opérations et c'est toute la stratégie et notre capacité à conserver une autonomie sur les lanceurs. Parce que il faut comprendre également que la France, l'Europe, a construit une stratégie et une puissance au niveau des lanceurs et nous sommes très fragilisés en ce moment par le New Space et l'arrivée de nouveaux acteurs dans le domaine de l'espace. En particulier dans le domaine des lanceurs, pour Elon Musk le premier, qui sait très bien mettre en avant faire de la communication autour de ses propres moyens. Mais un souci à nous, militaires, c'est de nous assurer que nous disposons de capacités à continuer à lancer nos propres satellites, parce que sans satellites, nous sommes aveugles, nous sommes incapables de communiquer, donc nous sommes incapables d'opérer. Donc nous sommes quelque part non pas dépendants, mais très vigilants à la conservation de cette filière des lanceurs, parce qu'elle garantit à la France, elle garantit à l'Europe et aux nations qui utilisent ces lanceurs une capacité à avoir en temps et en heure des lanceurs. Alors, on entend beaucoup de choses sur le prix des lanceurs. Je voudrais juste relativiser un tout petit peu. Évidemment, un lanceur de type Ariane peut apparaître en coût supérieur à ce que SpaceX est capable de faire, mais il faut aussi comprendre que Elon Musk a profité de tous les développements de la NASA et il n'a pas payé ses développements. Donc il ne fait payer que ce qu'on appelle les coûts récurrents, c'est-à-dire que les coûts de chacun de ses lancements, parce qu'il dump aussi ses prix, quand il pratique des prix qui sont d'un rapport de 1 à 2, à 3 voire 4 entre les prix pratiqués pour le privé et les prix pratiqués pour les institutionnels. Donc il y a une stratégie complète chez eux qui n'est pas encore rentable mais qui va le devenir et surtout qui fragilise notre propre filière de lanceurs. Donc on a une attention très particulière sur ce problème. Il faut se souvenir que le lancement d'Ariane, le développement du programme européen Ariane a été décidé au moment où les Américains nous ont refusé le lancement du satellite Symphony qui allait faire de la concurrence à leur satellite de communication. Tant qu'on lançait des satellites juste pour la science ou pour les expérimentations, tout allait bien. Et puis un jour, les Européens ont dit bah, « Maintenant, on va lancer un satellite de communication et on va vendre les services. » Et là, les Américains ont dit eh « bah, Maintenant, on arrête de jouer. » Et c'est par ça que les Européens ont pris conscience que l'autonomie, elle était également dans les lanceurs. Alors, en réponse au New Space, on se replace quelques années après, maintenant, à la date d'aujourd'hui, on est parti sur Ariane 6. Si vous voulez, c'est un énorme programme. C'est un programme qui donnera à l'Europe son autonomie de lancement. C'est pas parce qu'il y a des succès aussi médiatiques soient-ils sur SpaceX qu'on va plier le programme Ariane 6 et se lancer sur un autre programme. L'objectif, c'est de tenir la date de 2020 pour le premier lancement Ariane 6. Mais en parallèle, on poursuit au CNES et avec l'Agence spatiale européenne et avec des partenaires étrangers, on poursuit des développements sur des moteurs réutilisables à coût moindre. C'est le programme Prometheus. Et on poursuit un développement sur un lanceur réutilisable, lui aussi, comme ce que fait SpaceX, pour être prêt pour la génération d'après. On ne peut pas courir trois lièvres à la fois. Donc c'est ça la position de l'Europe en réponse au SpaceX. Et ça fait partie de notre autonomie. Au-delà de la stratégie lanceur, il y a un domaine qu'on n'a pas encore abordé dans l'autonomie, c'est la capacité de savoir ce qui se passe dans l'espace. Ce que je mettrais sous le vocable surveillance de l'espace. Alors dans l'espace, il se passe beaucoup de choses actuellement. On compte à peu près 1700 satellites actifs dans l'espace. Mais il se passe beaucoup d'autres choses dans l'espace parce que tout n'est pas déclaré. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur diverses orbites. Il y a aussi toutes les menaces ou les risques liés aux débris. Vous savez certainement que l'origine des débris est multiple, des collisions non intentionnelles. Il y a aussi des tirs de missiles qui ont été effectués par des Chinois il y a quelques années et qui ont généré un certain nombre de débris. Actuellement, on compte à peu près, alors ça dépend des chiffres et des sources, mais on compte, les Américains affichent 750 000 débris supérieurs à 1 cm. Dans l'espace. Il faut se rappeler qu'un objet, un mobile dans l'espace se déplace à 7 km par seconde. Donc un débris de 1 cm qui tape un satellite, c'est une grenade lancée sur un satellite. Donc on a le premier des risques ou la première des menaces, c'est le risque des débris. Donc il faut savoir ce qui se passe sur les débris, avoir une cartographie, une capacité de détection de ces débris pour pouvoir protéger nos propres satellites. Donc ça se fait en France au travers d'un système qui s'appelle GRAVE, qui est un radar bistatique qui est positionné à Dijon et sur l'ex-plateau d'Albion pour partie, et qui nous permettent d'avoir un catalogue d'objets qui se placent dans l'espace. Ça dépend aussi de notre dialogue avec les Américains, parce que les Américains ont investi beaucoup plus que nous et très tôt dans le domaine de la surveillance. Donc ils nous fournissent et ils fournissent à l'ensemble des opérateurs civils et privés un certain nombre d'éphémérides sur ces objets. Éphémérides qui sont calculés et analysés au niveau du CNES, qui est notre tour de contrôle sur la partie des débris, et qui consolide ces informations avec les outils dont nous disposons, qui sont soit des télescopes, soit des radars. Donc notre sujet et notre objet à nous en ce moment, c'est bien de développer cette capacité pour ne pas être aveugle par rapport à tout ce qui se développe au niveau de l'espace. J'ai évoqué 1700 satellites, mais il faut comprendre qu'avec le New Space, certains parlent de constellations de plusieurs milliers de satellites, 6000, 7000, 8000. Donc on est dans une double problématique de surpopulation spatiale qu'il faudra réguler à un moment sous la même forme que l'aviation civile qu'on régule avec des tours de contrôle. Parce qu'il se peut que les moyens de régulation actuels sont insuffisants pour faire face à cet accroissement du nombre de satellites. Et puis, il y a aussi, au-delà de ça, et pour le militaire que je suis, il y a des intentions un peu plus... moins pacifiques qui viennent des satellites d'observation qui se rapprochent, qui regardent, qui sont en train de faire des tas de choses et pour lesquels il faut aussi protéger nos propres satellites, mais savoir déterminer qui fait quoi, qui est en mesure de quoi et s'assurer qu'un rapprochement d'un de nos satellites se fait avec de bonnes intentions. Et c'est un sujet fondamental actuellement qui est un sujet qui est très partagé au sein de la communauté militaire et qui fait l'objet de discussions actives entre pays européens, avec les pays anglo-saxons, pour pouvoir surveiller et s'assurer de la bonne utilisation pacifique de l'espace. Merci pour ce tour d'horizon vu de très haut. On va passer aux questions. Bonjour, mes généraux. Bonsoir, plutôt. Paul Mallory, Soderne. J'ai deux petites questions. Donc, vous parliez tout à l'heure des télécommunications qui ont besoin de plus en plus de volume de données. Est-ce qu'on étudie aussi les communications laser pour le militaire? C'est des choses qui se développent pour le domaine civil, mais on n'en parle pas pour le militaire, et pas en France en tout cas. Donc plutôt aux États-Unis et sur l'autre continent. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que c'est nécessaire de mettre sur des satellites stratégiques d'observation des alertes de proximité pour des débris? On voit que le nombre de satellites augmente, que des satellites non coopératifs pourraient arriver. Donc des radars, des choses comme ça. Merci. Alors moi, je vais vous parler du point de vue militaire. Le général de Roquefeuille vous parlera du point de vue des développements qui vont avec. Alors, la réponse à la première question sur le laser, évidemment oui. Il y a deux choses. Il y a du besoin de communiquer, évidemment, le besoin en ressources explose. Il explose sur toutes les bandes, K, KU, X, VHF, UHF, enfin dans toutes les bandes, il explose. Dans la bande KA, qui est une bande où on passe beaucoup de données, on est sur la technologie IP, donc forcément les besoins civils et militaires se percutent un tout petit peu et donc on a besoin de concentrer le transfert des informations pour les besoins de communication, mais pas seulement. Donc effectivement, on réfléchit activement à ces notions, sauf que pour pouvoir utiliser à des fins de communication le laser, c'est pas aussi simple. En revanche, pour retransmettre en temps réel ou en temps quasi réel les informations qui sont collectées sur un satellite et les envoyer au sol, il y a aussi le laser, parce qu'un pointage laser, c'est beaucoup plus simple que sur un mobile ou sur des acteurs de théâtre. Donc on y réfléchit aussi parce qu'on va utiliser demain le satellite de la même façon qu'on utilise des systèmes d'observation qui sont dans les basses couches actuellement. Donc on va aller sur du temps réel de plus en plus. C'est ça l'évolution dans les quelques années. Pour ce qui est du laser, ça a quand même des inconvénients, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse beau pour pouvoir transmettre. Donc il y a une limitation, mais le général Breton a raison. Il y a eu des expérimentations qui ont été réalisées il y a plus de 10 ans par la Direction Générale de l'Armement. Donc on sait que ça fonctionne. Mais il faut passer au-dessus des inconvénients qu'on va voir pour pouvoir décider, en particulier pour les télécommunications bord-sol. Ça veut dire qu'il faut changer tout le réseau sol si jamais on passe en laser. Et c'est effectivement une grosse évolution. sur lesquels il faudra y aller d'une manière très, très prudente. Quoi. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, il y a la deuxième question sur les allers-retours de proximité. Alors, il n'y a pas strictement au sens, comme sur votre voiture, d'allerteur qui vous dit que vous approchez trop près. En revanche, évidemment, on commence à regarder, on imagine des dispositifs pour veiller à la sécurisation de nos propres satellites. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va effectivement attaquer rapidement des données un peu confidentielles. Mais évidemment, quand vous appuyez vos opérations stratégiques sur un certain nombre de satellites, vous devez protéger vos satellites. Et pas forcément avec ce type d'alerteur. Alors, on a une question qui nous vient des internets. Des systèmes de bombardement spatial sont-ils déjà pensés ou envisagés ? Alors, je vais faire une réponse civile. Non, si vous voulez, à partir du moment où vous voulez bombarder, il faut prendre la solution la plus simple. À quoi ça sert d'aller monter des kilos d'explosifs pour les faire redescendre ? Donc, et à ce moment-là, ou bien ça s'appelle un missile stratégique. Mais si vous voulez, on ne va pas laisser tourner indéfiniment une bombe pour attendre qu'elle descende, parce que c'est quand même vraiment très complexe. Ça coûte en énergie, et l'énergie, ça se paye. Donc c'est pas la solution la plus efficace, et bien sûr pas la plus simple pour y réaliser un bombardement. Alors, je vais vous donner une réponse un peu plus complexe, au sens de on peut tout imaginer, la guerre de l'espace, etc. Dans le domaine juridique ou dans le domaine des fondements de la réglementation ou d'utilisation d'espace, il y a un traité de l'espace de 67. Et d'ailleurs, l'interprétation fait dire à beaucoup l'espace ne peut pas être militarisé, etc. Non. L'espace peut être militarisé dans l'interprétation de ces traités de 67. Ce qui est interdit dans l'espace, c'est la mise en place d'armes de destruction massive. D'accord ? On n'a pas le droit. Ce traité dit deux choses sur l'utilisation des armes. Il proscrit les armes de destruction massive dans l'espace et il interdit l'utilisation des corps célestes, c'est-à-dire la Lune ou d'autres corps de ce type, et de mise en place d'armes sur ces corps. Par essence, et après il y a aussi des questions de coût, efficacité décrites par le général Roquefeuille, mais évidemment, la France n'envisage pas de mettre des armes sur ses satellites. Elle prône une utilisation pacifique de l'espace. C'est ça la ligne diplomatique et politique de la France. Du coup, j'aurais une question suite à ce que vous venez de dire. Elle n'envisage pas d'armes sur les satellites, même pour viser d'autres satellites. Je répète, la France prône un usage pacifique de l'espace. Mais la position, et d'ailleurs vous pourrez le lire dans déclaration que j'ai faite, c'est pas parce qu'on prône une utilisation pacifique qu'on est naïf sur ce qui se passe dans l'espace. D'accord ? Donc nous, encore une fois, notre priorité, c'est de protéger nos propres satellites. On les protège en les durcissant contre les menaces électromagnétiques, c'est-à-dire le soleil, par exemple. On protège contre des menaces qui pourraient être de diverses natures, mais on n'a pas l'intention de détruire d'autres satellites. D'accord ? On est sur l'usage pacifique. Et puis, j'en resterai là, parce que je ne vais pas après décrire trop de choses. Oui, alors moi, j'aimerais vous demander, justement, vous venez de parler qu'il existe un traité par rapport à l'armement dans l'espace. Ce traité, il commence à dater un petit peu, et si jamais il y a quelqu'un qui se décidait, qui se disait « moi je vais le violer ce traité, je vais mettre de l'armement dans l'espace », qu'est-ce qui l'en empêche en fait de faire ça ? À part le fait que ça soit écrit quelque part en fait qu'on n'a pas le droit de le faire, qu'est-ce qui concrètement empêche quelqu'un de pouvoir le faire ? Même si ce que vous venez de dire c'est que justement la France, elle n'a pas envie de faire ça, mais il n'y a pas que la France dans le monde justement, et ce que vous disiez pareil tout à l'heure pour les satellites, l'avantage c'est que on peut faire le tour de la Terre très rapidement. Du coup, qu'est-ce qui va empêcher quelqu'un qui n'est pas la France, mais qui est quelqu'un qui va peut-être avoir une autre vision par rapport à ça, de mettre de l'armement dans l'espace ? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que ce que vous décrivez n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas aussi simple. Et puis, ce n'est pas l'apanage de petites puissances spatiales. Si d'aventure, quelqu'un envisageait de le faire, il faudrait vraiment d'énormes moyens pour le faire. Le deuxième point, c'est pour répondre clairement à votre question. Le traité de 67 il n'y a pas de policier de l'espace. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de contrôle de ce qui est réalisé. D'accord ? Donc on est sur le déclaratoire, on est sur les immatriculations, sur un certain nombre de choses, sur des déclarations au niveau de l'ONU. Il y a une chose qui est particulière dans ce traité. Il fait appel à des critères, à la Charte des Nations Unies pour le comportement sur ce que vous venez de décrire, mais il n'y a pas de pays qui contrôle l'ensemble de l'espace et qui le régule à ce titre. Il y a évidemment des mesures de protection qui sont prises par les nations sur leurs propres satellites, mais il n'y a pas de super policiers. Il y a un autre aspect aussi, c'est qu'une attaque telle que vous l'envisagez ou vous l'imaginez, elle ne sera pas discrète. Mais c'est important, parce que ça veut dire que la communauté internationale sera capable de signer l'attaque qui a eu lieu. Et donc, le pays en question va être mis en difficulté vis-à-vis du reste des Nations Unies. Alors, je voudrais quand même préciser un point. La destruction cinétique d'un satellite, c'est ce que j'ai décrit sur un missile, mais ça, c'est dans la presse. Donc, ce n'est pas une déclaration de l'état-major, c'est dans la presse ouverte. Les Chinois ont fait une démonstration avec un de leurs missiles et ont détruit un satellite qui était à poste et qui était inactif, et ils ont généré des débris. Donc, l'ensemble des nations savent parfaitement que détruire cinétiquement un satellite d'un autre pays créerait des dommages collatéraux et des risques pour leurs propres satellites. Et donc, je n'imagine pas, à ce stade, même si tout le monde montre les muscles en ce moment dans le domaine spatial, je n'imagine pas qu'un pays aille à cet extrême, pour les raisons que je viens d'évoquer. Hein, c'est-à-dire, vous créez des risques pour vos propres satellites qui sont supérieurs aux gains que vous allez obtenir immédiatement. Il y a eu deux événements dans l'espace. Donc en 2007, le tir de ce satellite anti-satellite, de ce missile anti-satellite chinois sur un satellite météo inactif de la Chine. Le problème, c'est que ce satellite météo, il était à 800 km. C'est-à-dire que les débris qui tournent à 800 km, c'est des siècles. Les Américains qui ont fait ça en riposte pour montrer qu'ils savaient faire aussi, ils l'ont fait en dessous de 400 km. Ça veut dire que les débris sont tous retombés maintenant. Donc premier événement, l'événement du tir Azat chinois. Deuxième événement, la collision entre un satellite actif Iridium américain et un satellite inactif russe Cosmos. Ces deux événements ont créé un certain nombre de débris. Et quand on est averti au CNES pour faire l'anti-collision sur les satellites gouvernementaux que l'on opère, la moitié des alertes proviennent de débris issus de ces deux événements-là. La moitié. Ça veut dire que vous imaginez que si on recommence un événement tel que un de ces deux-là, on va compliquer d'une manière considérable la capacité que l'on aura d'utiliser les satellites, civils comme militaires d'ailleurs. Donc on a indépendamment de la problématique des constellations dont parlait le général Breton tout à l'heure. Alors, au-delà de ce combat de puissance, enfin, ou de ce démonstration de muscles entre puissances, il faut quand même rappeler que l'espace est utilisé en premier pour le domaine et pour chacun des citoyens, pour tout le monde, pour l'humanité, pour l'observation des phénomènes de météo, pour l'observation de la surface, pour la communication. Chaque personne utilise tous les jours à peu près une cinquantaine de satellites. Donc, je pense qu'il y a une compréhension partagée par l'ensemble des utilisateurs de ne pas aller trop loin et de quelque part, de conserver à l'espace cet aspect de cette liberté d'accès et liberté d'utilisation. Bonsoir. Je voulais vous demander quelle est la politique américaine par rapport à tous ces satellites. Est-ce qu'ils ont une suprématie ou pas? Alors, je n'ai pas les chiffres précis. Concernant les financements ou le financement du spatial dans le monde chaque année. Alors je vais être Vous me corrigerez peut-être si je me trompe, mais je crois que les États-Unis, sur les 60 milliards dépensés chaque année dans le domaine spatial, dépensent 60% ou 70% de cet argent. D'accord ? Les deux autres nations qui suivent derrière en masse d'investissement, c'est la Chine et la Russie. Et arrive en quatrième la France. D'ailleurs, bon, après, si on a la vision de la communication du CNES rapportée au nombre d'habitants, la France est deuxième dans le monde. Elle dépense 35 euros par an, c'est ça ? 35 euros par an et par habitant dans le domaine spatial. Pour les satellites gouvernementaux, ça ne tient pas compte des satellites de télécommunication, de Telsat, etc. Donc c'est les satellites gouvernementaux. Pour revenir à votre question, excusez-moi, pour plus précisément, les Américains en ce moment ont bien compris de leur position, non pas... alors, il y a un terme qu'il faut éviter, c'est le terme dominance. Une mauvaise traduction pourrait vouloir dire que les Américains cherchent à imposer une suprématie dans le domaine spatial. Le militaire que je suis ne peut pas confirmer ni infirmer, mais bon, vous comprendrez ma pensée. Évidemment, les Américains sont les premiers, ont investi et cherchent à le rester. Quelle est la proportion par rapport au militaire, de l'investissement financier par rapport au militaire ? Vous voulez dire sur les 35 euros ? Oui. Alors, la part du militaire est relativement faible. Oui, le budget du CNES, c'est 2 milliards par an. Sur les 2 milliards, il y en a à peu près un tiers qui va à l'Agence spatiale européenne pour des projets scientifiques, pour les projets d'exploration de l'univers ou des choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Il y en a un tiers qui nous vient des grands opérateurs comme la Direction générale de l'armement ou EUMETSAT, pour lesquels on est les experts. Et il y en a un tiers qui vient pour des programmes que l'on fait soit en partenariat, en général c'est en partenariat, on n'a pratiquement pas de satellites qu'on fasse tout seul. Donc vous voyez qu'il doit y avoir un petit quart qui est en militaire. À peine, parce qu'en fait, sur les 2 milliards, en coût constant, en ce moment, on est à peu près à 300 millions d'euros par an dans le domaine militaire. Donc vous voyez la proportion, 15%. Vous l'avez dit au début, Galileo, donc ça fait à peu près un an et demi qu'il fonctionne, mais tous les satellites ne sont pas encore en place. Au niveau de l'indépendance qui est prévue justement de l'Europe par rapport aux Américains, est-ce qu'on est encore allié au GPS pour certaines manœuvres ? Est-ce que, ou à partir de quand en fait le satellite va égaler, voire dépasser, vu que c'est ce qui est prévu, le GPS américain ? En fait, l'objectif, c'est la complémentarité. Hein. L'objectif, c'est pas d'être concurrent. C'est-à-dire que ce que l'on recherche, c'est d'avoir la garantie de l'intégrité et de bénéficier des informations de Galileo et du GPS pour avoir une plus grande précision. Mais l'objectif, c'est pas de se priver du service de GPS. Et les Américains sont dans le même état d'esprit. C'est-à-dire ce qu'ils essayent, au début, ils étaient un peu réticents sur la promotion du Galileo, mais quand ils ont vu l'avantage qu'ils pouvaient en tirer, finalement, il y a beaucoup de discussions de gouvernement américain au gouvernement français et européen pour voir dans quelle mesure ils pourraient bénéficier des services précis de Galileo. Alors, j'ai coutume de dire qu'avec le GPS, vous savez dans quelle rue vous êtes, avec Galileo, vous saurez sur quel trottoir vous êtes. Pour autant, les Américains sont en train de développer et de consolider leur constellation GPS parce que c'est un domaine. Alors, c'est pas qu'un domaine militaire le GPS, ni Galileo. La moitié des échanges, enfin quasiment tous les échanges boursiers sont synchronisés sur le GPS. Donc, il y a beaucoup plus d'intérêt bancaire que d'intérêt militaire immédiat. Donc, tout le monde a besoin du GPS. Où tout le monde a besoin de Galileo. Effectivement, comme il a été dit, les Américains étaient excessivement contre Galileo il y a quelque temps, et ils ont bien compris que ces systèmes étaient complémentaires et que s'ils pouvaient être fragilisés du côté du GPS, ils consolideraient leur position avec Galileo et réciproquement. Voilà, donc on utilise les deux systèmes. Du point de vue plutôt militaire, en fait, jusque-là, on dépendait d'eux parce que c'était les seuls capables de fournir ces données-là. Et sachant que maintenant on a ça, est-ce que de ce point de vue-là, il ne va pas y avoir cette séparation ? Du côté civil, le partage, parce que du coup, les données sont moins confidentielles, mais que ça permette une indépendance de chaque côté sur ces données-là ? Non, mais on n'est pas sur une question d'indépendance. Quand deux partenaires, et nous sommes partenaires avec les Américains, on n'est pas opposé aux Américains, ce travail de conjointement, on utilise des systèmes ensemble. D'accord ? Donc on n'est pas, c'est pas parce qu'on aura Galileo qu'on va abandonner le GPS. Parce qu'on a des problèmes de couverture, on a des problèmes de tas de choses. Et de toute façon, bon, ce ne sont pas exactement les mêmes bandes de fréquences pour des tas de raisons. Mais après, si vous voulez, les opérations et la guerre, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et il y a des tas de choses qui se passent. Il suffit actuellement... je vais vous donner une image... tout le monde utilise un téléphone, mais si vous voulez empêcher les gens d'utiliser un téléphone dans une salle, vous brouillez le téléphone. Ben, vous prenez cette image, vous le mettez au GPS. Voilà. Et donc vous verrez qu'on a besoin de tous les systèmes, et de systèmes robustes et intègres. Intègre, ça veut dire qu'on est certain de la qualité du service qui est rendu par l'autre. D'accord ? C'est pas une question d'autonomie, c'est une question de vérification et de confiance dans l'autre. Enfin, de confiance et de vérification de cette confiance. Tu n'as pas intérêt dans l'espace de t'amuser à faire de la casse, car si tu casses le jouet du copain, ces débris viendront casser le tien. Général, encore une question. Est-ce que des deux Galileo plus GPS plus Galileo, pour le prendre dans le bon sens, on ne peut pas en faire un seul, se mettre ensemble et en faire un beaucoup plus puissant, puisqu'on a toujours été amis avec les Américains. Deuxième question. Alors je réponds tout de suite, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ce que je dis à mes filles. Deuxième question, c'est une question sur les débris de l'espace. Qu'est-ce qu'on fait des débris de l'espace ? Est-ce qu'on peut les détruire ? Alors, les débris de l'espace, le Gérald Breton a évoqué ce chiffre, effectivement, 700 000 ou 750 000, quand on aime, on compte pas, débris de plus de 1 cm. Vous imaginez bien que la problématique est comment est-ce qu'on peut faire pour les récupérer ? Ils sont sur des orbites qui sont très différentes. Il y en a qui sont en basse altitude, en moyenne altitude. Ceux qui sont en basse altitude, ils peuvent être passés plus ou moins près de l'équateur ou bien être près des pôles. Donc, la manière de les récupérer... Alors, il y a eu... c'est la foire au professeur Nimbus là-dedans. Hein. C'est à qui se trouvera la plus belle opération, qui du filet, qui du câble électrostatique qui va récupérer... qui de la destruction par un faisceau laser, mais il faut tirer 750 000 fois hein, quand même. Alors en revanche, comment est-ce qu'on prend le problème ? On prend le problème en disant on va déjà arrêter de polluer l'espace. On va arrêter d'envoyer et de créer, de générer des débris. Et il y a eu une loi qui a été promulguée en France qui s'appelle la loi sur les opérations spatiales. Qui impose, quand un satellite n'est plus opérationnel, qu'il redescende en moins de 25 ans. Ça veut dire qu'il ne dure pas indéfiniment. 25 ans après, il sera suffisamment descendu pour que le peu d'atmosphère qui existe à ce moment-là le freine encore plus et il tombe dans la spirale où il tombe sur la Terre. Pour ceux qui sont en orbite géostationnaire, la loi leur impose de monter sur ce qu'on appelle une orbite cimetière. Ça veut dire que avant qu'il c'est ne... là où est la Tesla, hein. Non, c'est pas ça. Oh non, la Tesla, elle est bien au-delà de ça. Hein. Elle est. Et donc, il faut que avant qu'il ne soit plus capable de bouger, il faut qu'il monte à 300 km au-dessus de l'orbite cimetière. Et au moment où on les arrête, on vide les réservoirs, on passive les batteries et on met en sécurité tous les éléments. Parce qu'il y a aussi des choses qui créent des débris, c'est ce qu'on appelle les fragmentations. Un réservoir qui explose, une batterie qui explose et qui crée là aussi des milliers de débris. Donc déjà, quand on aura fait ça, les satellites, ça fait une affaire. Deuxième affaire, c'est les lanceurs. Au départ, quand on lançait un satellite, c'était la fête au village. Hein. On lançait une sangle d'un côté, un boulon de l'autre, ça partait dans tous les sens. Et ça, comme en général, c'était des satellites de télécommunication, donc qui étaient en orbite géostationnaire, donc c'est des choses qui tournent indéfiniment. Donc maintenant, il est imposé que les troisième étages redescendent sur Terre et ne polluent plus l'espace. Alors, déjà, ça fait des mesures. Maintenant, il y a des satellites du style Envisat. Envisat, c'est un satellite qui a été lancé par l'ESA. Il doit y avoir une petite dizaine d'années. Il est gros comme un bus, anglais en plus. Et il est tombé en panne 2 ans après sa mise en service. Et là, en ce moment, il tourne. Alors là, on pourrait envisager d'aller faire une mission pour aller le rechercher et le redescendre. Mais vous vous rendez bien compte que c'est quand même un coût énorme. Non seulement il faut être capable d'avoir le système qui va aller s'accrocher sur le bus en question, ensuite le pousser, mais il faut remonter ce système, c'est-à-dire envoyer un lanceur qui propulsera votre système qui va aller s'accrocher sur l'orbite. Donc ça ne va pas être un passager clandestin. Il faut être exactement sur la même orbite, faire le rendez-vous. Donc c'est quelque chose qui est très complexe, donc très cher. Mais c'est vraiment pour le seul type de satellite ou d'objet spatial qu'on pourrait envisager de faire une opération. Mais sur les 749 999 autres, c'est non. C'est trop cher. Alors, je ne vais pas parler de la récupération des débris, parce que ça a été évoqué jusqu'à maintenant. Je vais parler des mouvements des satellites pour éviter les débris. Parce que, en fait, une des missions fondamentales du CNES et des opérateurs qui sont affiliés au CNES pour leurs informations, c'est d'éviter ces débris. Donc, je vous ai dit qu'on a une dizaine de satellites en propre, un tout petit peu plus si on considère les satellites duo, donc ça monte à une quinzaine. Bon an, mal an, on bouge l'ensemble de ces satellites, enfin pas l'ensemble, on fait 10 mouvements sur ces satellites par an pour éviter les débris. D'accord ? 10 mouvements, c'est-à-dire qu'on les sort, on les bouge, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer Thomas Pesquet il y a peu de temps. Et il m'a expliqué, parce que je lui dis, on en parlait ensemble, et sur la navette spatiale et sur la fusée qui la met sur la navette spatiale, il y a aussi ces procédures d'évitement des débris s'il y a un risque. Et donc, ils ont toute une procédure, ils vont dans une capsule pour se protéger et ils bougent la navette pour éviter les débris. Donc, on a évidemment toute cette problématique de récupération ou de diminution des débris, mais on a aussi toute une stratégie pour éviter les débris. Bonsoir. Il me semble avoir lu dans la presse, il y a déjà quelques temps, que le radar grave avait quelques problèmes de vision, tout du moins un champ un peu plus limité qu'on pourrait l'espérer. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des développements futurs à venir? Et d'autre part, je voulais savoir si Cerise était bien retombé ou s'il est encore en train de retomber. Cerise. Ouais. Cerise, en fait, c'était cette charge utile, enfin très utile, de renseignement électromagnétique. C'était tout petit et il n'est pas tombé encore. Alors, pour revenir sur Grave, Grave, on n'a eu que des bonnes surprises avec Grave. Très très honnêtement, on n'a eu que des bonnes surprises. On avait un radar de quelque part de démonstration et qui a amené beaucoup plus de services que nous attendions de ce radar. Et pas seulement au niveau de la performance de détection. Aussi, il a hissé la France au niveau des puissances qui comptent pour les Américains. Très très honnêtement. Dans le dialogue entre les Américains et nous, il y a un avant et un après grave. Pour poursuivre ce que dit le général Breton, pour expliquer pourquoi il y a un avant et un après grave, c'est que avant les Américains étaient les seuls à voir ce qui se passait dans l'espace. Ça veut dire qu'ils pouvaient annoncer ce qu'ils voulaient, aussi bien au grand public qu'aux partenaires. Une fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui voit, eh bien, ils ne peuvent plus annoncer n'importe quoi, parce qu'ils savent qu'il y en a qui voyaient, et c'est grâce au satellite Grave que les Américains ont arrêté de publier les orbites précises de nos satellites de défense. Parce qu'ils savaient bien que s'ils faisaient ça pour les nôtres, on pouvait faire ça pour les leurs. Bon, alors, c'est pas la défense qui le dit. Non, elle le pense. C'est personne qui l'a dit. Qui vient de dire ça? Deuxième aspect, vous parliez des performances. Je ne peux qu'adhérer à ce que disait le général Breton. Il faut quand même aussi rappeler le coût de Grave. Grave, c'est 1000 fois moins que ce que les Américains ont investi sur leur système de détection d'objets dans l'espace. Alors, on ne voit pas la même chose, je ne vais pas dire ça, mais 1000 fois moins. Hein. Alors, pour revenir sur... c'est du domaine public, ce qui est déclaré, c'est que Grave entretient un catalogue de 3000 objets qui sont d'une taille de l'ordre d'une machine à laver. Une machine à laver, ça fait beaucoup plus qu'un centimètre, d'accord, par rapport aux déclarations que j'ai faites précédemment. Donc évidemment, on a un niveau de performance à la hauteur de notre investissement, mais on a un niveau de résultat qui est bien au-delà de nos espérances. Après, sur l'entretien de Grave, on est dans un entretien permanent, et on a encore des mesures actuellement d'entretien de ce radar. Je ne voudrais pas être trop dur dans les mots, mais il y a ce qu'on se qualifie de hard et de soft, c'est-à-dire en gros le matériel et les logiciels qui exploitent ça. Les logiciels sont toujours à la pointe du progrès. Évidemment, le reste a son âge et à un moment, il faudra songer à le remplacer par autre chose. Oui, bonjour. Clément Marty, de satelliteobservation.net. J'ai une question en deux parties sur les constellations de petits satellites d'observation. Donc, Général Breton, vous avez fait une intervention à l'Assemblée, il me semble, récemment. Vous expliquiez que c'était quelque chose que vous regardiez pour d'éventuelles applications militaires. Je voudrais savoir si vous pouviez détailler sur ce point-là. Et donc, la deuxième partie de la question, plutôt pour Général de Roquefeuille, qui est que le président de la République a fait une annonce en sa visite en Inde récemment, comme quoi la France et l'Inde allaient coopérer sur le développement d'une constellation de surveillance maritime à base de petits satellites d'observation. Donc j'aimerais savoir si aussi vous pouviez détailler cette annonce. Alors, concernant les petits satellites, quelque part, globalement, quand je vois le développement de ces technologies, du Pico, du Nano, et tout le reste, la France est en retard dans le domaine. Très clairement, pour diverses raisons que je ne détaillerai pas, nous sommes en retard. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien en France, d'accord ? En revanche, dans le domaine militaire, c'est un pan qu'on n'a pas suffisamment développé. C'est ce que je disais dans mon intervention devant la commission de l'Assemblée nationale. Il faut considérer les tendances du domaine spatial. Une des tendances qui n'est pas neutre pour nous, c'est la miniaturisation de l'ensemble des composants qui amène à niveau de performance égal, une diminution de la taille, mais vraiment de 1 à plusieurs milliers. C'est-à-dire que sur une carte, l'équivalent d'une carte de crédit actuellement, vous faites quasiment autant que ce que vous faisiez avec des gros satellites il y a quelques années. Donc effectivement, à niveau de performance égal, il faut qu'on aille regarder parce que le coût de mise en orbite, le coût d'exploitation sont sans commune mesure. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder et qu'il faut développer. Donc je ne dis pas qu'on ne le fait pas, il y a des endroits où on le fait, je dis simplement qu'on ne l'a pas complètement organisé et c'est un domaine dans lequel on doit encore travailler. Juste pour compléter, on a quand même des programmes de développement avec au CNES là, sur les nanosats. Mais regardez ce qui se passe partout dans le monde, c'est vraiment à base de start-up et ce n'est pas tellement l'État ou les agences spatiales gouvernementales qui ont poussé ça. Et ce sont plutôt des petites start-up. Mais c'est ce que je vous disais aussi au début de l'intervention, avant que le général Breton arrive, ça peut très bien être également des constellations qui vont tourner et dont la défense bénéficiera des services. Elle n'est pas obligée de s'acheter les nanosats parce qu'il peut y avoir des services qui seront intéressants. Vous voulez y rajouter ? Oui, je voulais dire, les startups, c'est très bien, d'accord ? Au contraire, il faut simplement s'assurer du service qui est rendu derrière. Et il n'y a pas que les startups, d'ailleurs, dans ce domaine, ce sont beaucoup les universités qui travaillent. Accompagnant quelques grandes entreprises, d'ailleurs toutes les entreprises du domaine spatial en France s'appuient aussi sur des universités. Le CNES le fait puisque vous allez visiter le CNES autour, vous avez toutes les grandes entreprises, les grandes écoles du domaine aérospatial et ils travaillent au profit du CNES dans ce domaine également. Donc il y a, au contraire, je suis très favorable à ce terreau des start-up, des gens qui innovent. Simplement, et effectivement, on n'était pas dans cette perspective à un moment et on commence à l'être de plus en plus. Alors ensuite, pour la question au sujet de l'Inde, effectivement, il y a un projet qui est en cours entre l'ISRO, qui est l'Agence spatiale indienne, et le CNES, pour une constellation qui permettrait d'avoir une meilleure vue de la situation de la surveillance maritime, en particulier dans l'océan Indien. En fait, c'est dans le cadre d'un partenariat stratégique. La France est une puissance de l'océan Indien parce qu'on a des territoires, on a la Réunion, on a des territoires l'Antarctique. Et donc, c'était un acte de présence. Alors, ça va être à partir de satellites optiques, du radar et de l'écoute AIS. AIS, c'est le système que les navires possèdent pour s'avertir entre eux de leur position. Donc on intercepte ça et ça permet de localiser les émetteurs. Mais pour l'instant, on est vraiment au balbutiement, on est en train de développer avec eux combien de satellites, quelles orbites, quel type de charge utile, qui fait quoi. Donc c'est vraiment les prémices, mais c'est un des volets de ce partenariat stratégique avec les Indiens. Et on travaille bien évidemment avec les armées et la DGA, parce que vous voyez bien qu'il y a on est très près de la frontière, voire même si on ne l'a pas dépassée, parce qu'à partir du moment où vous surveillez l'activité maritime, vous regardez toute l'activité maritime. Donc ça peut intéresser également la défense. T'es gros comme un bus, bus anglais en plus, manquerait plus que tu sois russe. Envisat, t'es gros, un jour il faudra, avec nos petits bras, te faire redescendre ici-bas. Merci. On parlait tout à l'heure des débris ou des choses comme ça, et ça m'amène à quelques choses diverses. La première, c'est une histoire lointaine. Parmi les débris spatiaux, je crois qu'un des vols Gemini avait abouti à une fausse manœuvre d'un astronaute qui avait perdu un appareil photo à Hasselblad et la NASA avait promis une récompense à qui il rapporterait. Je pense qu'il est retombé depuis, mais qu'il n'y a pas eu de récompense. Sinon, comme on parlait de possibilité d'aller rattraper un satellite en difficulté, en perdition pour le rebouger quelque part. Est-ce qu'il y a eu des recherches militaires dans le cas où on souhaiterait non pas détruire, mais capturer un satellite pour le voler? Sinon, pour le fait de devoir déplacer l'orbite pour éviter une collision éventuelle, pour certains satellites, ça ne pose pas de problème particulier, il faut faire la manœuvre, mais c'est tout. Mais par exemple, dans le cadre de Galileo, où les positions sont importantes, est-ce que ça complique le fonctionnement du système? Alors, je vais répondre sur la deuxième question, parce que c'est plus rapide, et puis que le je vais être rapide Breton. Sur la première. Ouais, comme ça, vous avez le temps de réfléchir à ce que vous n'allez pas dire. Non, je veux dire, regardez, sur la première, je veux dire, vous avez beaucoup d'imagination. Alors, pour la deuxième, en fait, les satellites Galileo, ils tournent à 20 000 km d'altitude. C'est des altitudes qui sont beaucoup moins polluées et pratiquement pas polluées. Et puis, de toute façon, on connaît la position du satellite très précisément, ce qui permet ensuite de localiser le signal et d'obtenir une bonne précision sur le système au sol. En fait, pour compléter un tout petit peu, en fait, les satellites qui sont géostationnaires ou à peu près géostationnaires, ils évoluent dans une boîte, dans une box. Et en fait, on peut les bouger dans cette boîte pour éviter tout risque. La difficulté est plus grande sur les orbites basses avec des satellites défilants parce que le calcul des conditions potentielles d'abordage par un débris sont beaucoup plus compliquées. Ouais, le problème de la box sur l'arc géostationnaire. Oui, l'arc géostationnaire, c'est l'altitude, c'est une ligne. Dans l'espace, vous êtes en 3D. Sur l'arc géostationnaire, vous êtes en une dimension. Vous êtes sur une ligne. Parce que tout le monde veut être à la même altitude et tout le monde veut être exactement au-dessus de l'équateur. Voilà. Donc chacun, et les positions sont distribuées par l'Organisation internationale des télécommunications. Parce que les gens vont récupérer des positions. Donc c'est pour ça qu'en fait, on s'est géré à partir de box pour que les gens n'aillent pas se mettre n'importe où et surtout ne mettent pas sur n'importe quelle fréquence n'importe où. Donc il y a une grosse gestion. C'est pour ça que les gens peuvent bouger à l'intérieur de cette box, mais ce qui est pas vrai sur l'orbite en orbite basse, hein, en dessous de 1500 km, ou en orbite ce qu'on appelle moyenne, qui est entre 10 000 et 20 000 km. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Non, moi, j'avais juste une petite question, mais c'est plus une anecdote. À propos du satellite Zuma, dont on a entendu parler, je me demandais ce que ça vous inspirait. Peut-être si vous pouvez raconter l'anecdote. Ouais, alors, ouais, comme moi, j'ai pas d'informations, parce que je suis plus militaire, je peux en parler. En fait, ça fait partie de ces objets qui se promènent. Il y a eu Zuma, mais il y a eu également le X-37 que les Américains ont fait voler en basse altitude, qui est resté plusieurs mois en basse altitude. Et on ne sait pas ce que ce satellite vont faire. Mais on imagine bien que dans les réflexions qu'on a évoquées au cours de cette soirée sur les menaces, les risques, les actions qu'il peut y avoir dans l'espace, tout le monde est intéressé pour pouvoir développer des moyens, non seulement les développer, mais également faire savoir qu'on les développe, parce qu'il y a une espèce de diplomatie à l'intérieur de ces actions pour dire, bah, attendez, si vous êtes en train de faire un satellite qui pourrait tourner autour du mien, soit pour l'intercepter, soit pour le brouiller. Moi, je suis capable également de faire la même chose. Et donc, touche pas à mon satellite, je toucherai pas au tien. Donc, c'est un peu cette logique-là. À côté de ça, il y a énormément de difficultés parce qu'on dit 750 000 objets de plus. Ouais, mais l'espace est grand quand même. Il y a de la place. Et donc, on a du mal à savoir... Et il y a des objets, on ne sait pas ce qu'ils ont été réalisés pendant les mois sur lesquels ils sont restés dans l'espace. La seule chose que le militaire pourra dire sur le sujet officiellement, c'est qu'après les annonces, on a nous regardé activement pour savoir si on avait une trace ou pas du satellite. On vous confirme qu'on n'avait pas de trace du satellite après les annonces. ce qui vous peut vous amener à conclure qu'effectivement, il a bien été détruit. Très bien, merci. Et par ailleurs, Général de Roquefeuille, je crois que vous vouliez commenter, peut-être par rapport aux documents qu'on a distribués. Ah oui, vous avez dans les planches, là, c'est le zoom du zoom. C'est pour vous montrer, en fait, c'est le port de Lorient. C'est le port de Lorient dans le document. C'est le port de Lorient. Ça a été la première photo qui a été prise par le premier Pléiade. C'est pas exprès, c'était au moment où Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense. Hein. Et donc, c'est juste pour vous montrer quelle est à la fois la capacité à aller chercher le détail, mais également la difficulté à trouver le détail. Parce que quand vous replacez le petit port au milieu de la grande vue, eh bien, vous imaginez le travail que les interprètes ont à faire pour aller chercher des détails de cette dimension-là avec une image qui peut faire 60 km de fauché. Oui, alors c'est un point qui est fondamental aussi avec les nouveaux systèmes, c'est que les nouveaux systèmes d'observation amènent des téra et des téraoctets d'informations, et donc le sujet devient de plus en plus compliqué à analyser l'ensemble des informations. D'où tout le développement de l'intelligence artificielle, du deep learning, de tous ces systèmes qui nous permettent d'aider à l'interprétation. Mais ce n'est pas un sujet strictement militaire. D'ailleurs, tout le monde est parti dans ce pan du support à l'analyse, que ce soit le domaine du civil ou le domaine des militaires. Donc effectivement, une image comme ça, d'abord, quelqu'un de formé, il verra des choses que vous ne verrez pas, c'est évident. Mais il nous faut de plus en plus de systèmes d'appui ou d'aide à l'analyse parce que les informations deviennent quasiment trop riches. Excusez-moi, Général, mais tout a commencé, je fus d'une famille de militaires, à Vernon. Je me rappelle, gosse, que mon père a travaillé à Vernon. Est-ce que c'est une continuation ? Est-ce que Vernon existe toujours ? Est-ce que c'est une continuation que vous faites ? C'est peut-être un peu personnel, Il y a des moyens industriels à Vernon. Ouais. Moi, je voulais savoir par rapport à la coopération qu'on a sur tout ce qui est satellite pour observer. Est-ce que quelles sont les limites de l'observation ? C'est-à-dire que est-ce qu'avec tous les différents contrats, partenariats, etc. qu'on a dans l'espace, on est capable de voir n'importe où, à n'importe quel moment, ou quelles sont les limites justement de cette observation. Qu'est-ce que vous appelez être capable de voir n'importe où? C'est-à-dire que si on choisit de voir, de cibler un endroit sur Terre, on peut le faire quand on veut, ou on est dépendant, parce que en fonction de la position des satellites qu'on a et en fonction de ce qu'on veut, on est dépendant en fait pour avoir une résolution maximale ou pour cibler un endroit, ou si on peut le faire absolument quand on veut. Alors, c'est sûr qu'il y a des lois de mécanique spatiale qui font que vous ne le prendrez pas n'importe quand. Il faut que votre satellite, il passe pas forcément au-dessus, mais à proximité, pour qu'il soit capable de se déplacer autour de son centre de gravité pour aller prendre l'image que vous voulez. Deuxième aspect, à partir du moment où vous prenez une image en optique, vous la prendrez entre 10h du matin et 14h, 15h peut-être. Mais après et avant, vous n'avez pas assez de lumière pour pouvoir récupérer. Parce que, en fait, l'objectif dans cette mission, c'est de récupérer des photons. Vous allez très vite et vous passez avec un champ. Donc, il faut que vous récupériez le maximum de photons en passant à 8 km par seconde. Vous êtes à 600 km/h. Et il faut que vous ayez une très grande précision dans la visée. Donc, c'est déjà un deuxième élément. Et puis, le troisième élément, si jamais c'est votre satellite, vous le programmez comme vous voulez. Si jamais c'est pas votre satellite, il sera programmé comme celui qui vous donne le service ou sur celui qui vous a vendu le satellite acceptera que vous le fassiez. Alors, je vais compléter un tout petit peu. Effectivement, il y a très peu de services commerciaux dans le domaine de l'infrarouge, donc il vaut mieux qu'il fasse jour pour aller voir, mais il n'y a quasiment aucun point du globe qui ne soit pas survolé par un satellite d'observation, qu'il soit civil ou militaire. Donc vous êtes toujours capable à un moment d'aller récupérer de l'information. Pour autant, J'ai un contre-exemple, ça s'appelle Irma. Quand Irma est arrivée, on a envoyé nos satellites parce qu'on appuie aussi la sécurité civile et tous les moyens de l'État pour concourir à la sauvegarde des populations et aider. Mais quand il ne fait pas beau, il ne fait pas beau. Et vous avez un cyclone, ben vous ne voyez rien. Merci, merci messieurs pour donc cette soirée. Ben merci à vous, merci pour cette animation, merci Jean-Gabriel pour l'organisation. Merci. Alors, et merci à notre artiste. De mon côté, je voudrais également vous remercier. Je suis encore désolé d'être arrivé en retard. Vous êtes arrivé. Ce que j'ai constaté en arrivant dans le domaine spatial, c'est que c'est un milieu de passionnés. Et d'abord parce que l'espace, c'est un peu mythique, c'est l'ouverture à des aventures, c'est plein de choses. Et donc on est vraiment dans un domaine où les gens sont passionnés. J'espère juste que vous ressortirez, non pas frustrés des pauvres informations qu'on vous a données, mais tout autant passionnés que nous le sommes actuellement. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et allez-y, expliquez à tout le monde la capacité de la France et la puissance spatiale française, ce qui n'est pas un vain mot. Merci pour cette belle conclusion. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée, et chacun nourrit sa pensée.